Salut Léa, tu as acheté une nouvelle veste ? Oui, et regarde, j'ai acheté aussi de nouvelles chaussures et un nouveau sac. Dis donc, tu as gagné au loto ? Exactement ! J'ai joué hier pour la première fois et j'ai gagné 1000 euros. J'ai tout dépensé. Quelle chance ! Moi, je joue toutes les semaines et je n'ai jamais rien gagné.